Chapitre 6e. Thérèse ne laissa paraître aucune contrariété, aucune bouderie, à propos du refus qui avait accueilli sa demande. Elle s'installa auprès du lit de son cousin et se montra d'humeur aussi égale, aussi enjouée, que si elle avait obtenu tout ce qu'elle désirait. « Ma petite cousine, lui dit le colonel à un moment où Antoine, placé sur le balcon, ne pouvait pas les entendre, « vous êtes un ange. »« Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas, mon cousin ?»« Je parle sincèrement, je vous le jure. » »« Avec une émotion qui doit se trahir au dehors et vous prouver le sérieux de mes paroles. »« Et pourquoi donc suis-je un ange ?» dit-elle d'un ton enjoué. « Car je vous assure que je ne m'en doute pas. »« Parce que vous avez le caractère le mieux fait, le plus droit que je connaisse. » »« Et cela suffit pour faire un ange. » Un caractère égal et un cœur droit. Vous n'êtes pas exigeant. Vous ne vous souvenez pas de la peine qu'on vous cause? Je me souviens de la joie qu'on me donne. Et ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui, pour mon frère et pour moi, je ne l'oublierai jamais. Quel beau parc, dit Antoine en rentrant dans la chambre et en interrompant ainsi cet entretien. Comme vous serez bien ici, en bon air, pour votre convalescence. La journée s'écoula assez vite, et comme le moment du départ approchait, la marquise fit demander au colonel s'il pouvait la recevoir. Bien entendu, la réponse fut affirmative, et quelques instants après, Madame de Lucilière entra dans la chambre. Elle salua Antoine gracieusement et fit à Thérèse une petite inclinaison de tête avec un sourire, la traitant comme une personne de connaissance. « Monsieur, dit-elle, en s'adressant à Antoine. J'ai écrit tantôt un mot à notre cher colonel pour le prier de vous inviter à rester au château, si cela vous convenait. Notre ami ne m'a pas répondu, et Horace vient de m'avertir qu'il avait amené une voiture pour vous conduire à Saint-Germain. Vous partez donc. Il ne m'appartient pas de vous retenir, ni vous, monsieur, ni votre charmante fille. Mais j'ai tenu à vous dire que si vous vouliez rester auprès de votre neveu, nous serions heureux de vous recevoir. J'ai déjà mis le château à la disposition du colonel, mais qu'attendre d'un homme qui, le lendemain même de sa blessure, voulait partir pour Paris. » En prononçant ces derniers mots, la marquise regardait Thérèse, et elle vit passer sur son visage comme un éclair de joie. « Oui, mademoiselle, dit-elle en insistant, il voulait partir et il a fallu se fâcher pour le retenir. » Cette fois, Thérèse ne broncha pas, et elle regarda son cousin d'un œil impassible. Pour Antoine, il n'avait rien vu de cette petite scène, et l'eût-il remarqué qu'il ne l'eût pas comprise. Il était fort embarrassé de l'offre de la marquise. Il ne savait pas se servir du langage de la politesse banale, et pendant qu'elle parlait, il se demandait ce qu'il allait dire, car ce petit discours étant à son adresse, c'était à lui d'y répondre. Heureusement, il y avait dans ce discours un point qui n'était pas seulement de la politesse. Ce fut ce point qu'il prit pour thème de sa réponse, et bien que son remerciement fût un peu trop long et un peu trop oratoire, il ne s'en tira néanmoins pas mal. Pour exprimer combien il était touché des soins dont on entourait son neveu, il trouva des paroles émues qui lui montaient du cœur et qui portaient avec elles l'accent de la reconnaissance. Quant à lui, il tourna court et dit simplement que les obligations du travail le rappelaient à Paris. Pendant ce temps, Thérèse était approchée du lit du colonel. « Ah ! Dit-elle à voix basse, je l'envie. » Son regard désigna la marquise. « Elle vous soignera. » Puis aussitôt, changeant de ton, « Vous nous ferez écrire, mon cousin, dit-elle, tous les matins par Horace, jusqu'au jour où je pourrai moi-même tenir une plume. » Jusque-là, il y avait une question que le colonel n'avait point osé aborder, celle de leur visite. Mais au moment où ils allaient partir, il ne pouvait pas ne pas leur en parler. « Ne viendrez-vous pas me voir, mon oncle ? » dit-il. « Toutes les fois que vous voudrez, mon cher Édouard, vous n'aurez qu'un mot à nous dire. » La marquise les conduisit elle-même à leur voiture. Puis, quand ils furent partis, elle remonta auprès du colonel qu'elle trouva la figure assombrie. « Je viens vous tenir compagnie, dit-elle, pensant qu'il vous serait agréable de ne pas rester seul en ce moment. Il m'est toujours agréable de vous voir. Votre figure est en contradiction avec vos paroles. Et que dit donc ma figure? Que vous avez vos humeurs noires, est-ce vrai? Il est vrai que l'entretien que j'ai eu avec mon oncle m'a inspiré de douloureuses réflexions. Mais je ne suis pas pour cela dans des humeurs noires. Il n'y a que l'entretien que vous avez eu avec votre oncle qui vous a ainsi attristé. La douleur de ce pauvre père est assez navrante pour émouvoir le cœur le plus dur, même celui d'un indifférent. Et j'ai pour mon oncle une vive amitié, une profonde vénération. Sous son apparence inculte, c'est un homme d'un grand caractère, d'une âme haute, d'un esprit large. Élevé dans un autre milieu, c'eût été un homme remarquable pour tous, tandis qu'il ne l'est que pour ceux qui le connaissent. Mais il l'est, soyez-en certaine. Je le crois, s'il vous plaît que je le croie. Eh bien, en voyant le désespoir d'un homme pour lequel je professe une telle estime, vous devez comprendre que cela ne m'est pas égayé. Pourquoi ne l'avez-vous pas retenu près de vous? Parce qu'il vit de son travail et qu'il ne peut pas donner son temps. Et cette petite fille qui voulait être votre garde-malade, m'était-il possible de l'accepter alors que vous avez bien voulu m'offrir et me donner vos soins avec tant de bonne grâce? Les soins de cet enfant n'eussent pas empêché les miens. Ils m'étaient inutiles puisque j'ai les vôtres. C'est seulement pour cette raison que vous avez refusé sa bizarre proposition. Et pour quelle raison autre voulez-vous que je ne l'ai pas acceptée? À moins que ce ne soit encore pour celle que vous venez d'indiquer vous-même en qualifiant cette réponse enfantine de bizarre. Ce n'est pas répondre cela, c'est interroger. Il me semble, moi, que vous ne montrez pas en ce moment votre franchise ordinaire, cette franchise admirable, qui fait que vous dites habituellement tout ce que vous pensez et que vous montrez tout ce que vous ressentez. Il ne faut pas perdre ainsi vos qualités natives, mon cher colonel. Songez donc que vous êtes un sauvage, ne devenez pas un civilisé comme tout le monde. Vous vous moquez de moi. Un peu. Mais convenez que vous ne l'avez pas volé. Comment? Je vous interroge sérieusement, et vous me répondez par ma question même. Alors, puisque les rôles sont intervertis, et que c'est à moi de m'expliquer, je vais le faire. Pourquoi je vous ai demandé, n'est-ce pas, si vous n'aviez pas une raison particulière de refuser la proposition bizarre, mais non enfantine, de cette jeune fille? Je vous en prie. Non, non, nous devons nous expliquer. Je m'explique et prends la franchise que vous abandonnez. Le but de ma question était de savoir si vous n'aviez pas éloigné cette jeune fille par peur. Par peur? Oui, par peur. Par peur d'elle et par peur de vous. Cela est clair, n'est-ce pas? Peut-être me direz-vous que c'est indiscret. Mais au moins vous ne me direz pas que ce n'est pas franc. J'avais envie de savoir une chose, je l'ai demandé. Je ne connais rien de plus primitif. Maintenant, pour rester dans le ton que vous m'avez forcé de prendre, vous êtes obligé de m'imiter. De qui avez-vous peur? D'elle ou de vous? Mais ce n'est pas une réponse. Notez que ma question est bien naturelle, s'appliquant à une jeune fille qui, dit-on, doit être votre femme un jour. Il eut un moment de contrariété. C'était la seconde fois que la marquise lui parlait de Thérèse, et rien ne pouvait lui être plus désagréable que ses interrogations. « Vous m'avez déjà parlé de cette jeune fille, » dit-il, « et je vous ai répondu d'une façon évasive. Voilà pourquoi j'y reviens. Ceux qui vous connaissent sont tellement affirmatifs à ce sujet que je voulais savoir à quoi m'en tenir. Savez-vous ce que m'a dit votre ami Gaston le jour où vous avez conduit votre jeune cousine à Longchamp? Gaston a été indiscret. Peut-être. Mais je n'ai pas provoqué ces indiscrétions. Il est venu à moi avec une mine effarée, autant que son visage froid peut être effaré. Et il m'a conté qu'il était désespéré parce que vous, son ami, son cher colonel Chamberlain, vous étiez venu aux courses avec une jeune fille, charmante du reste, mais qui avait ce défaut capital à ses yeux, que par suite d'arrangements de famille, elle pouvait devenir votre femme un jour, ce qui était abominable, attendu qu'elle n'avait rien. À cela, je lui répondis que c'était une sotte manie de vouloir que nos amis se mariassent pour nous. Mais il ne se tint pas pour battu et déclara qu'il fallait que vous fissiez un mariage digne de vous et de votre grande position. Là-dessus, vous ne devinerez jamais ce qu'il inventa et ce qu'il me proposa pour arriver à ce but. Il est de fait que je ne vois pas quel moyen il a pu inventer. Tout simplement que je vous rende amoureux de moi. Parce que si vous m'aimiez, vous oublieriez votre petite cousine. Comment trouvez-vous votre ami ? Je trouve que Gaston a une façon étrange de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Non seulement à propos de moi, mais encore à propos de vous. C'est ce que je lui ai dit. Mais enfin, de ce qu'il était venu me raconter dans son accès d'indignation, il n'en résultait pas moins un fait positif. Qui est, ou plus justement qui était, en s'en rapportant aux assertions de votre ami, que vous deviez un jour ou l'autre épouser cette jeune fille. Voilà pourquoi j'ai cru pouvoir vous en parler sur un ton de plaisanterie, qui, je le vois bien, vous a fâché. Je n'admets pas ce mot. Rien de votre part ne peut me fâcher. Je vous demande que cela soit bien entendu entre nous. Ce qui m'a surpris, c'est de voir tout le monde s'occuper d'un mariage dont moi je ne m'occupe pas. C'est de voir qu'on le regarde comme fait, quand moi, je ne sais pas s'il se fera. Ce mariage, en effet, oh, je vous en prie, interrompit Madame de Lucilière, quittons ce sujet que je n'aurais pas dû aborder puisqu'il vous est désagréable. Plus un mot, je vous prie. Au contraire, laissez-moi m'expliquer jusqu'au bout, je vous prie, il le faut. Et pourquoi donc le faut-il ? Au point où les choses en étaient arrivées entre le colonel et la marquise, chaque mot de celle-ci, depuis que cet entretien était commencé, avait sa signification, alors même qu'il paraissait entièrement inoffensif. Jamais une parole d'amour n'avait été échangée entre eux. Mais il était parfaitement entendu que le colonel aimait la marquise, et il était non moins admis que celle-ci ne se fâchait point qu'il l'aimât. Tel était le présent, l'avenir restant réservé. Dans ces conditions, tout ce qui se rapportait à Thérèse avait donc une importance décisive. Et ce n'était pas la seule curiosité qui inspirait les questions de Madame de Lucilière. Mais ce qui rendait ces questions plus graves encore, c'était la façon dont elles étaient posées. Dans les choses de cœur et de sentiment, les paroles ne sont rien. Le geste, le ton, la musique est tout. Ce qui trouble, ce qui convainc, ce qui entraîne, c'est un regard, une intonation, un silence. Et Madame de Lucilière était un maître incomparable dans cet art si difficile de faire entendre ce qu'on ne dit pas. Ce qu'elle disait, elle n'en prenait pas grand souci, ayant fait admettre par son entourage qu'elle avait l'habitude de dire tout ce qui lui passait par la tête à tort et à travers, mais elle veillait avec un soin extrême à sa diction et à sa mimique. Elle parlait sous le ton de l'enjouement avec sa ravissante figure tout en l'air, les yeux brillants, les lèvres continuellement souriantes, les narines palpitantes, d'une voix gaie, la physionomie pétillante d'esprit, se voilant seulement de temps en temps d'une nuance d'émotion que l'on contient. Pourquoi donc faut-il que vous m'expliquiez les projets de mariage qui ont pu exister entre vous et cette jeune fille ? Répéta-t-elle. Il ne lui convenait pas de répondre en ce moment et d'une façon directe à cette question. Il la laissa donc tomber, mais il continua ce qu'il voulait dire. C'est mon père, à son lit de mort, qui a eu l'idée de ce mariage, mais il ne me l'a pas imposé. De mon côté, je n'ai pas pris d'engagement. J'ai promis seulement de ne pas me marier, si je me mariais jamais, sans avoir vu la jeune fille qu'il me destinait. Et vous l'avez vue, il me semble. J'ai vu une enfant. Dites une jeune fille tout à fait charmante. Pour moi, elle n'est qu'une enfant. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire qu'arrivé à Paris, je n'ai pas eu de projet mieux arrêté que je n'en avais avant de quitter l'Amérique. Vraiment, je vous affirme qu'il n'a jamais été question de mariage entre elle et moi, ni entre moi et son père. Tout de même ignore les intentions qui m'ont été manifestées par mon père, et en les confiant à Gaston, je croyais lui confier un secret. Je regrette plus que je ne saurais le dire, qu'il en ait abusé. C'est pour moi que vous dites cela. Non, car vous êtes la seule personne avec Gaston à qui je l'aurais confié. Alors les choses ne sont pas du tout arrivées au point que je supposais. Pas du tout. Mais elles peuvent y arriver, n'est-ce pas ? Cela dépend. De qui ? D'elle ou de vous ? La question était tellement directe qu'il hésita un moment. D'elle, de moi et de circonstances qui peuvent se produire. Ah, l'inconnu alors. Eh bien, n'en parlons pas. Cependant, non, n'en parlons pas, je vous prie. C'est bien assez que je me sois engagé à l'étourdi dans cette question de mariage. N'allons pas plus loin. Il y a une manière de dire n'allons pas là qui, précisément, donne l'idée de faire ce qui est défendu. c'était cette manière que la marquise avait employée. Ses yeux étaient en désaccord complet avec ses lèvres, et en défendant au colonel de s'expliquer sur les circonstances qui pouvaient empêcher son mariage avec Thérèse, elle provoquait justement cette explication. Mais en agissant ainsi, elle ignorait ce qui s'était passé entre le colonel et Thérèse dans cette visite, et ne pouvait pas savoir que l'influence de celle-ci était en ce moment trop puissante pour être entamée par un mot plus ou moins habile, par une réticence ou par un sourire. Heureux d'abandonner un sujet qui lui était pénible, le colonel se tut. Elle attendit un moment. Puis, voyant qu'il ne s'engageait pas sur la voie qu'elle aurait voulu lui faire prendre, elle revint, par un chemin détourné, au point qui l'intéressait. « Quand je pense, dit-elle, que partant de l'idée que ce mariage devait se faire un jour ou l'autre, j'ai voulu arranger un tête-à-tête de plusieurs jours avec votre petite cousine. Comme c'était bien combiné. Mais aussi, comment s'imaginer qu'une jeune fille qui ne vous est rien aurait le caprice de vouloir se faire votre garde-malade ? C'est précisément parce qu'elle ne m'est rien, ou tout au moins parce qu'elle n'est que ma cousine, qu'elle a eu ce caprice, comme vous dites, en parlant de son projet. Vous croyez ? Il me paraît évident que s'il avait eu d'autres sentiments dans le cœur, ou si elle avait supposé chez moi des intentions qu'elle ne soupçonne même pas, elle n'aurait jamais eu ce projet. Cela vous paraît démontré ? Absolument, étant donné son âge, sa droiture et, si vous permettez le mot, sa pureté. Oh, parfaitement, attendu, mon cher colonel, que je crois à la pureté d'intention de toutes les femmes. À plus forte raison dois-je croire à celle des jeunes filles. Enfin, il n'est pas moins vrai que je faisais une sottise en voulant vous ménager ce tête-à-tête et que je répondais bien mal à la confiance de notre ami Gaston. Vous vous êtes donc engagé à faire ce que désirait Gaston ? Savez-vous que votre question est plus que vive ? Mais vous êtes malade, je vous pardonne. D'ailleurs, je conviens que jusqu'à un certain point, je l'avais provoqué. En ne pensant qu'à l'amour que dans ce tête-à-tête de plusieurs jours, vous pouviez ressentir pour cette jeune fille. Il me semble qu'elle est assez jolie pour inspirer une passion. Et puis les soins qu'elle vous aurait donnés, les longues conversations, les prévenances qu'elle aurait eues, sa position même de sœur de charité. Est-ce que tout cela n'aurait pas eu quelque chose de poétique ? Quelle langue aurait pu vous émouvoir ? Si vous n'êtes pas de glace, ce que j'ignore, vous savez bien. Je ne sais rien du tout, et je ne veux rien savoir. Pas de paroles trop vives. N'oubliez pas que c'est là le fond même de notre convention. Vous n'êtes pas guéri, souvenez-vous-en. Maintenant, cet amour eût-il été un bien ? Cela dépend, comme vous disiez tout à l'heure, de ces circonstances mystérieuses que vous vouliez m'expliquer, et que je n'ai pas voulu, que je ne veux pas connaître, puisqu'elle ne me touche pas, car elle ne me touche point, n'est-ce pas ? Il ne répondit pas, alors elle continua. Pour cette jeune fille, que moi je trouve charmante, malgré qu'elle n'ait rien et qu'elle ne soit rien, comme dit Gaston, vous pouvez donc vous prendre d'une belle et bonne passion, qui vous aurait conduit à un mariage, car je vous crois trop galant homme, pour ne pas épouser une jeune fille que vous aimeriez. La belle affaire, et comme j'aurais été fier quand j'aurais connu la vérité. Maintenant, de ma sotte idée, il aurait pu sortir un résultat opposé à celui que nous venons d'examiner. C'est-à-dire que cette jeune fille aurait très bien pu se prendre d'amour pour vous. Vous admettez cela, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Moi, je sais. Et je vous assure que sur cet oreiller, avec ce visage pâle, cette grande barbe, ces yeux ardents, vous avez assez la physionomie d'un héros de roman. Et puis, quand on sait comment vous vous êtes défendu, on vous admire. Ainsi, moi, positivement, je vous admire. Ah, pas comme héros de roman, mais comme homme de courage et de résolution, ce qui est bien quelque chose de notre temps. Eh bien, que serait-il arrivé ? S'il vous avait aimé, si vous-même vous l'aviez aimé, c'était parfait. Mais si vous aviez été insensible à cet amour, la pauvre enfant, comme elle eût souffert, car il n'y a pas de plus grand malheur en cette vie que d'aimer celui qui ne vous aime pas. N'est-ce pas votre sentiment ? Assurément. Voilà pourquoi, revenant à mon point de départ, j'ai dit que j'ai été folle et que vous, vous avez été sage. Aussi, mon cher colonel, sincèrement, je vous félicite. Vous avez bien fait, très bien fait, de ne pas accepter les soins de cette jeune fille et de vous contenter des miens, quels qu'ils soient. Au moins, Avec moi, il n'y a pas de danger, n'est-ce pas ? Et elle lui tendit la main.